Cette fortune-là cache quelques mystères. Il a la toison d'or, le voilà secrétaire universel, ministre, et puis duc d'Olmedo. En 6 mois, on le serre derrière le rideau. La reine. Au fait, le roi malade et fou dans l'âme vit avec le tombeau de sa première femme. Il abdique, enfermé dans son Escurial, et la reine fait tout. Mon cher Camporeal, elle règne sur nous et Don César sur elle. Il vit d'une façon qui n'est pas naturelle. D'abord, quant à la reine, il ne la voit jamais. Il paraît se fuir. Vous me direz non, mais comme depuis 6 mois je les guette, et pour cause, j'en suis sûr. Puis, il a le caprice morose d'habiter assez près de l'hôtel de Tormez, un logis aveuglé par des volets fermés avec deux laquais noirs, gardeur de porte close qui, s'il n'était muet, dirait beaucoup de choses. Des muets ? Des muets ! Tous ses autres valets restent au logement qu'il a dans le palais. C'est singulier. Il est de grande race, en somme. L'étrange, c'est qu'il veut faire son honnête homme. Il est cousin, aussi Santa Cruz l'a poussé, de ce marquis Salluste écroulé l'an passé. Jadis, ce Don César, aujourd'hui notre maître, était le plus grand fou que la lune eût vu naître. C'était un drôle, on sait des gens qui l'ont connu, qui prit un beau matin son fond pour revenu, qui changeait tous les jours de femme, de carrosse, et dont la fantaisie avait des dents féroces, capables de manger en un an le pirou. Un jour, il s'en alla, sans qu'on ait su par où. L'âge a du fou joyeux fait un sage fort rude. Toute fille de joie en séchant devient prude. Je le crois homme probe. Oh, Candide ou Billa, qui se laisse éblouir à ces probités-là. La maison de la reine ordinaire et civile coûte par an 664 066 ducats. C'est un pactole obscur où certes on doit jeter le filet à coup sûr. Au trouble pêche clair. Ah, ça ne vous déplaît, je vous trouve imprudent et parlant fort à l'aise. Feu mon grand-père auprès du comte duc Nourri disait « Mordez le roi, baisez le favori ». Messieurs, occupons-nous des affaires publiques. Je vous ai demandé sur la caisse aux reliques de quoi payer l'emploi d'alcade à mon neveu. Vous m'aviez promis de nommer avant peu mon cousin Melchior d'Elva, bailli de l'aise. Nous venons de doter votre fille, on célèbre encore sa noce, on est sans relâche assailli. Vous aurez votre alcade. Et vous, votre bailli. Messieurs les conseillers de Castille, il importe, afin qu'aucun de nous de sa sphère ne sorte, de bien régler nos droits et de faire nos parts. Le revenu d'Espagne en 100 mains, c'était pas. C'est un malheur public. Il y faut mettre un terme. Les uns n'ont pas assez, les autres trop. La ferme du tabac est à vous, Villa. L'indigo et le musc sont à vous, marquis de Prédiego. Camporeal perçoit l'impôt des 8 000 hommes. L'almorari Fasgo, le sel, 1000 autres sommes, le quin du sang de l'or, de l'ambre et du jaillet. Vous, qui me regardez de cet œil inquiet, vous avez à vous seul, grâce à votre manège, l'impôt sur l'arsenic et le droit sur la neige. Vous avez les ports secs, les cartes, le laiton, l'amende des bourgeois qu'on punit du bâton, la dîme de la mer, le plomb, le bois de rose. Moi, je n'ai rien, messieurs. Rendez-moi quelque chose. Oh, le vieux diable. Il prend les profils les plus clairs. Excepté l'Inde, il a les îles des deux mers. Quelle envergure! Il tient Majorque d'une griffe, et de l'autre, il s'accroche au pic de Tenerife. Moi, je n'ai rien! Il a les nègres! Je devrais me plaindre bien plus tôt! Il me faut les forêts! Donnez-moi l'arsenic, je vous cède les nègres!